Ici Jacques Beauchamp, aujourd'hui l'histoire, Jean XXIII, le pape derrière Vatican II. C'était un homme accueillant. C'était le bon père de famille, simple, et qui essayait de faire disparaître toutes les barrières. Cet homme simple et accueillant que décrit le cardinal Paul-Émile Léger au Beau Dimanche en 1974 reste aujourd'hui encore l'un des papes qui aura été le plus aimé dans toute l'histoire de l'Église catholique. Jean XXIII devient pape à la mort de Pie XII en 1958 et celui qui ne devait être qu'un pape de transition va se transformer finalement en pape de la Révolution, celle de Vatican II. Aujourd'hui, le monde entier connaît le choix qu'ils ont fait. Le cardinal patriarche de Venise est devenu Jean XXIII. Ce choix rappelle celui que fit le conclave de 1903, qui portait sur le trône de pierre le cardinal Sarto, qui devint Pie X, Saint Pie X. D'ailleurs, au physique, il y a ressemblance entre les deux hommes, et au moral aussi. Le nouveau pape est tout simple et comme Pie X, il ne s'embarrasse pas dans les détails du protocole. C'est un homme de bon sens et de gouvernement, animé d'une très grande charité pastorale. Venise pleure le départ de son père, mais l'Église universelle se réjouit de posséder un tel pasteur. À nouveau, le cardinal Paul-Émile Léger, en 1958, cette fois au moment où il livre son message d'accueil, de bienvenue, si vous voulez, au nouveau pape Jean XXIII, pour nous présenter son parcours et nous parler de l'importance qu'aura le pape Jean XXIII. Je reçois Catherine Foisy, qui est professeure au département de sciences des religions de l'Université du Québec à Montréal. Catherine Foisy, bonjour. Bonjour, Jacques. Je le disais, Catherine Foisy, au tout début de cette émission, il reste aujourd'hui encore Jean XXIII, l'un des papes qui a été le plus aimé. Pourquoi? Principalement à cause de, je dirais, sa bonhomie. C'était un homme du peuple. C'était un homme qui a des origines agricoles, pastorales, donc qui vient vraiment d'un milieu rural pauvre. Et c'est un homme qui a conservé réellement cette simplicité-là. Une simplicité aussi qui est liée à sa foi, qui est liée à l'Évangile, de l'humilité énormément, beaucoup d'humour aussi dans sa manière de présenter les choses, d'interagir avec les gens. Donc, les gens pouvaient se sentir proche de simplicité, humanité aussi. Moi, en préparant l'émission, j'ai lu une anecdote. Il a reçu énormément de chefs d'État, Jean XXIII, pendant les quelques années, parce qu'il n'est pas pape très longtemps. Il a reçu beaucoup, beaucoup de chefs d'État. Puis un jour, donc, John F. Kennedy et son épouse, Jackie Kennedy, viennent le voir au Vatican. Puis il se prépare, comment on fait les choses, le protocole, là. Et quand il voit Jackie Kennedy, spontanément, il dit « Jacqueline! » Donc, c'était ça, au fond, cet homme-là. Cette simplicité, cette bonhomie, cette humanité, ce contact, au fond, avec les gens. Tout à fait. Ouais. Parlez-nous un peu de son parcours. Comment résumer ce parcours-là, avant qu'il ne devienne pape? Alors, c'est un homme qui naît donc dans la région bergamesque, dans un petit village italien, et 1884, et qui rapidement se sent appelé à une vocation religieuse. Devient prêtre, va être ordonné en 1904, va être recruté par Mgr Tedeschi, donc au siège de Bergame, et donc va revenir dans son patelin, dans sa région d'origine. Qui est un progressiste, et... je le signale, oui, ça serait important pour la suite. Oui, c'est très important parce que le côté réformateur ou la perspective réformatrice que va apporter Jean XXIII à l'Église catholique, elle s'insère dans ses premières années de ministère-là. Tout à fait. À la suite de quoi, il va être appelé à Rome en 1920 pour présider le dicastère de la propagation de la foi, donc la question des œuvres missionnaires. Il va ensuite être nommé en 1925 en Bulgarie, dans un poste diplomatique au service du Saint-Siège. Et cette carrière diplomatique-là, elle va le mener ensuite en Turquie, en Grèce, durant la Deuxième Guerre mondiale. Il va favoriser finalement le passage de Juifs qui avaient fui les camps de la mort, et il va en 1944 être nommé nonce apostolique à Paris, qui est une nomination très prestigieuse. Et il va finalement en 1953 être nommé patriarche de Venise, et là en 1958, coup de théâtre, après 11 tours de scrutin, il est nommé pape. ça, c'est fascinant. 11 tours. Au deuxième tour, il est nommé, donc, et on l'élit pape. Pourquoi une telle hésitation? Parlez-moi de cette élection-là, des circonstances entourant son élection comme pape. Il faut dire qu'on est en pleine guerre froide, donc le monde est divisé en deux. L'Église catholique voit bien qu'elle perd du terrain. Elle a perdu énormément de terrain, notamment dans les milieux laborieux, les classes populaires, dans différents pays. Il y a également le fait que Pie XII était un pape très, très direct, avec un style très, très autoritaire. Et donc, les cardinaux se posent réellement la question qui est en mesure de, finalement, d'assumer une sorte de transition pour permettre, je dirais pas tant d'entrer dans une nouvelle ère, quoique ils voient bien que le monde se transforme. Ouais. Mais ce ne sont pas tous les cardinaux qui sont prêts à embrasser ces transformations. En fait, vous dites, vous parlez, vous avez ce terme transition, on l'a beaucoup vu comme un pape de transition au départ, Jean XXIII. Le choix de Jean XXIII, c'est ça. On veut, c'est comme s'il y avait eu un pape très, très fort, très autoritaire, vous me corrigerez, mais là, on se dit, on va pelleter un peu par en avant, puis l'autre grand pape, ce sera celui qui succédera à Jean XXIII. C'est tout un peu ça l'idée. Ouais. Sauf qu'il leur réserve une surprise, Jean XXIII, ses cardinaux et ses évêques, très, très tôt. Après qu'il soit devenu pape, il décide donc de lancer cette idée d'un concile écuménique. Est-ce que c'est une idée qui lui vient comme ça, subitement, un beau matin, alors qu'il est devenu pape, ou si il la porte en lui depuis longtemps, cette volonté de changement et de modernisation de l'Église? C'est-à-dire que dès ses jeunes années, alors qu'il est au service de Mgr Tedeschi, il va se faire accuser de modernisme par Rome. Et finalement, il va être réhabilité, il n'y aura pas de conséquences importantes. Mais c'est un homme qui, dans tout son parcours, est très à l'écoute de ce qui se passe dans le monde. Ouais. Donc, autant sur le plan politique que sur le plan social, culturel, et qui cherche tout le temps à faire une différence. Bon, l'exemple des Juifs, dont j'ai parlé un peu plus tôt, c'est ça l'illustre. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est certain que Jean XXIII, de mon point de vue, n'est pas arrivé au siège de Saint-Pierre ou sur le siège de Saint-Pierre en se disant « Voilà, nous allons lancer un concile écuménique, c'est mon idée. » Mais il s'est bien rendu compte que cette Église-là avait besoin d'une sorte d'électrochoc, que cette Église-là avait besoin d'ouvrir les fenêtres sur ce monde et que ce monde avait besoin de voir cette Église. Et ça devient une évidence pour lui. Tout à fait. Je suis pape, je vois ce que je vois et donc il y a comme une pulsion qui lui dit il faut essayer de moderniser cette Église, qu'elle parle davantage à ce monde qui change. Comment ça va être accueilli? Parce que c'est une surprise, là. On l'avait pas vu venir, comme on dit. Comment s'est accueilli par la curie romaine cette idée-là? Alors, c'est accueilli de manière très froide, pour ne pas dire de manière très négative, par les membres de la curie romaine. Et tout ce que la curie va chercher à faire dans l'étape préparatoire, c'est finalement de s'assurer que rien ne change au sein de l'Église catholique par rapport à la doctrine. Parce que c'est ce qui les inquiète le plus. D'ouvrir sur des éléments de doctrine, de transformer des pratiques, alors qu'il y avait déjà des pratiques qui annonçaient des transformations. C'était pour plusieurs de ces hommes-là, finalement, perdre du pouvoir, à la fois un pouvoir sur les esprits, un pouvoir symbolique, mais également perdre un pouvoir par rapport à des perspectives différentes qui avaient été énoncées par plusieurs théologiens, puis également par des évêques et des cardinaux qui n'étaient pas membres de la curie. Et les débuts vont être de fait, parce que ça va durer quelques années. Jean XXIII mourra avant que l'exercice de Vatican II soit complété, mais les débuts, c'est complètement chaotique, là. Il y a deux clans qui s'opposent. Tout à fait. Et les évêques, au moment du... lors de la toute première séance, le 11 octobre, les évêques demandent, évêque français Liénard et un évêque allemand, demandent à ce que les membres des commissions conciliaires soient renommés et que les évêques aient leur mot à dire. Ouais. Et ils sont préparés. ils sont déjà prêts parce qu'ils sont conscients qu'il y a là une stratégie proprement politique à mettre en place, un peu comme quand on est dans une assemblée à l'ONU ou une assemblée, l'Assemblée nationale ici. Les grandes discussions ne se font pas dans... Oui, il y a des discussions qui se font dans l'aula conciliaire, ouais. mais beaucoup de ces discussions-là se font en amont dans les corridors. Ouais. Ça va suivre son petit bonhomme de chemin quand même, Vatican II, puis donc sur ça se fera quelques années plus tard, ça prendra quelques années, c'est Paul VI qui va compléter l'exercice. Comment est reçu, on a parlé de la curie romaine, comment le simple fidèle reçoit cet exercice, cette idée de Vatican II, cette réforme de l'Église? On écoute quelques commentaires de citoyens recueillis par Andréane Lafont à l'émission Aujourd'hui, en mars 1965. Bon, je voudrais savoir ce que vous pensez de la messe en français. Mais je le lis réellement, je suis pas encore assez habituée, je crois bien, je sais pas. Ça vous a gêné? Ben, ça fait drôle un peu. Quand j'étais habituée avant à une partie en latin, puis je pense que ça fait drôle. Hein. Probablement qu'on va peut-être s'habituer avec le temps. Que pensez-vous de la messe en français? Ben, c'est extraordinaire. Enfin, on peut comprendre ce qui se passe. Ça ne vous gêne pas du tout? Ah, pas du tout. D'ailleurs, il y en a pas assez. Il y a encore une petite partie au canon, là, qui pourrait être changée. Nous promet que ça s'en vient. Vous avez l'impression de plus participer à la messe? Absolument. Absolument. Est-ce que beaucoup de personnes sont de votre avis? Bien, il y a certaines personnes les plus âgées, naturellement, qui ont gardé leurs habitudes, qui aiment à garder leurs habitudes. Mais moi, je trouve que c'est bien un changement. Et même, je crois que c'est à peu près ce qu'il y a eu le mieux de fait au Concile pour nous. La fin de la messe en latin, c'est probablement l'héritage le plus tangible pour les fidèles, en tout cas de Vatican II. Catherine Foisy, comment vont réagir les fidèles? On a vu que la curie romaine est inquiète et réagit, se braque. Les fidèles dans le monde, les catholiques, quand ils voient ce pape Jean XXIII lancer ce grand exercice de modernisation, comment ils réagissent? C'est une grande vague d'espoir et d'espérance qui est contenue dans la poursuite de cette œuvre-là, le Concile œcuménique de Vatican II. Les fidèles attendaient, ici au Québec, c'est assez particulier dans tout le monde catholique, il y a eu ce qu'on a appelé des consultations préconciliaires dans différents diocèses. Et là, on a discuté de morale conjugale sexuelle, on a traité de questions d'approche pastorale, on a traité évidemment de la messe, etc., etc., de toutes ces questions-là. Et on avait des attentes qui étaient très grandes parce que le monde changeait de manière époustouflante. L'entrée des femmes dans la vie publique, l'accession de différents peuples à l'indépendance, les développements sur le plan technologique, et l'Église catholique était toujours en retard. Ouais. Donc, il avait eu ce flair, Jean XXIII, de voir, on revient à ce que vous disiez, il voyait que le monde changeait, que les fidèles avait des attentes de renouvellement de l'Église catholique. C'est peut-être pour ça, d'ailleurs, qu'après sa mort, Paul VI va poursuivre cet exercice de Vatican II. Tout à fait. C'était un train qui était en marche. Ouais. Il ne pouvait pas l'arrêter sous aucune considération. Et il avait été, d'ailleurs, dès le début, un des partisans du changement de la réforme à l'intérieur du Concile. Donc, il ne pouvait quand même pas faire une chose et son contraire. Ouais. Sur le plan plus politique, quel genre de pape est Jean XXIII? Je vous propose d'écouter un extrait de l'émission Actualité politique du 16 juin 1963. On est à peu près un peu plus d'une semaine après la mort de Jean XXIII. Ce serait une grave erreur de considérer Jean XXIII comme un pape politique. Il n'y a pas eu, comme trop de journaux dans le monde l'ont écrit ou l'ont laissé entendre, un pape de gauche, Jean XXIII, qui aurait succédé à un pape de droite, Pie XII. Jean XXIII, au contraire, apparaît essentiellement comme un pape apostolique. Entendez par là que ce qui le souciait avant tout, c'était l'expansion du christianisme vue à long terme dans une vaste perspective et non tel ou tel effet politique immédiat. Mais cette perspective nouvelle, par le côté essentiel, fondamental que lui a donné Jean XXIII, a des conséquences politiques, qu'on le veuille ou non. Pour Jean XXIII, les communistes, ça n'était pas essentiellement des ennemis doctrinaux, c'était avant tout des hommes à essayer de convaincre, des brebis égarées à ramener au bercail. Et cette attitude de base, qui ne modifie en rien d'ailleurs le jugement porté sur la doctrine, a bien entendu des conséquences pratiques quant à l'attitude du Saint-Siège vis-à-vis du monde communiste. Alors, Jean XXIII est-il un pape politique, Catherine Foisy? Où est-ce qu'on peut le classer? Comment le décoder, Jean XXIII, à l'échelle de la politique? Alors, moi, je suis bien d'accord avec l'extrait d'entrevue qu'on vient d'entendre d'archives. C'est-à-dire que j'aurais dit un pape apolitique, ouais. Au sens où il ne va pas ni se peinturer du côté gauche ou dans le coin de la droite. Bien au contraire, il est ouvert à tout le monde. Il reçoit tout le monde. Oui, il reçoit tout le monde. Et ça, ça va avoir un effet très important. Tout le processus de détente, ouais. Dans le contexte de la guerre froide, bien, il est en partie lié à cette figure-là qui n'est pas une figure antagoniste, c'est une figure polarisante. Ouais. Parce qu'en fait, ce qui est fascinant, et c'est là où il y a peut-être méprise, où on a peut-être prêté des intentions politiques à Jean XXIII, c'est qu'il est très probablement fondamentalement apolitique, mais il reste pape à un moment où la politique occupe énormément de place dans le monde. Il y a cette guerre froide, ces deux blocs communistes et capitalistes, et ça, évidemment, ça se déroule au moment où il est pape. Donc, même s'il reste apolitique, ça ne veut pas dire qu'il ne fera pas son effort de paix, surtout, en fait, c'est plus ça qui va le guider. Un bon exemple, c'est l'intervention. Il interviendra, Jean XXIII, au moment de la crise des missiles à Cuba en 1962. Octobre 1962, la crise de Cuba éclate pendant la première session du Concile. Le monde assiste, impuissant, à ce face-à-face entre Moscou et Washington. Le danger d'un conflit nucléaire pèse sur l'humanité. La sensation est alquanto diffusa in parecchi. Au moment le plus critique de la crise, le pape décide d'intervenir. Il lance un appel aux gouvernants des deux grandes puissances. Parallèlement, le pape offre secrètement sa médiation à Kennedy et à Khrushchev. Plus tard, celui-ci déclara que le pape a joué un rôle important pour le maintien de la paix. La lettre encyclique Pacem in Terris est publiée quelques mois après. C'est l'ultime message de Jean XXIII à l'humanité. La lettera encyclica Pacem in Terris sta per prendere le vie ampie del mondo. Jean XXIII invite tous les hommes au dialogue, chrétiens et non-chrétiens, croyants et incroyants, sans distinction. Tous, ils appartiennent à la même famille. Tous, ils doivent contribuer au maintien de la paix. La pace. Pour lui, les hommes de bonne volonté étaient des hommes qu'il fallait contacter. Et c'est dans son encyclique Pacem in Terris qu'il fait cette fameuse distinction entre l'erreur et celui qui pratique l'erreur. Et c'est pour cela qu'il accueillait tout le monde. C'est pour cela qu'il a accueilli le gendre de Khrushchev. C'était l'homme du dialogue. Extrait du documentaire de Max Cacopardo, Le mystère de Jean XXIII, diffusé à l'émission Les Beaux Dimanches en 1974. Ce Jean XXIII, pape de la paix, comment résumer sa pensée, Catherine Foisy? Je dirais que, bon, il y a un mot très important qu'on entend à la fin, le mot dialogue. C'était un homme qui ne coupait pas les ponts. Mm-hmm. C'était un homme qui a invité tout le monde à sa table. Mais dans cela, il était profondément catholique inspiré. Ou pas, capitaliste ou pas. Tout à fait. Ouais. On a beaucoup parlé du Concile Vatican II comme un moment d'ouverture et puis d'écuménisme. Ouais. Et qui allait même au-delà des frontières du christianisme. Ben, Jean XXIII le vit de manière concrète dans sa chair à travers son pontificat. Ouais. Et dans ce sens-là, il y a quelque chose de très évangélique et de très apostolique aussi. Il se fait réellement le vicaire du Christ sur terre. Ouais. Il fait la même chose que ce que faisait Jésus, ce qui est rapporté dans les évangiles. Ouais. Et cet appel à la paix, ça fait partie d'un des aspects les plus importants de son héritage, en fait. Tout à fait. C'est c'est pas pour rien que le dernier encyclique, il a publié 8 encycliques durant son pontificat, la dernière, c'est Pacem in Terris, donc paix sur terre. Et là, il invite, et on l'a dit dans l'extrait des archives, on invite l'ensemble de l'humanité à dialoguer, à chercher des voies de sortie, des voies de traverse qui permettent de désamorcer les conflits. Parce que les conflits sont omniprésents sur la planète à cette époque-là. Et il y a quelque chose de très prophétique dans cette encyclique-là, parce que ce dont il nous parle là, je relisais des passages, bien, il y a des choses qui sont encore très actuelles aujourd'hui. Quand on regarde le monde dans lequel on évolue, ces enjeux-là ne sont pas résolus, mais pas du tout. Mm-hmm. Il meurt, Jean 23, le 3 juin 1963. Comment est vécue cette mort-là dans la chrétienté? Alors, c'est certain que c'est la perte à la fois d'un père, d'un pasteur, c'est la perte du pape. On se demande ce qui va advenir du Concile Vatican II. Comment est-ce que les travaux vont se poursuivre? Vont-ils seulement se poursuivre? Donc, il y a énormément d'incertitudes que laisse le décès de Jean XXIII et, je dirais encore, une espérance qui est de nouveau renouvelée. Parce que là, les attentes, on a vu que la bataille entre le camp conservateur, incarné particulièrement par la Curie, mais pas exclusivement, et le camp progressiste ou réformateur au sein de l'Église, les réformateurs ont le vent dans les voiles. Ouais. Donc, on ne veut pas que cette chose s'arrête. L'Église va canoniser le pape Jean XXIII en 2014. Ça aura été très, très long, Catherine Foisy, en même temps que Jean-Paul II, c'est tout dire. Pourquoi? Je pense qu'une des raisons, il y a des questions techniques là, qui relèvent du droit canonique et puis de la gestion interne de l'Église, mais je pense qu'un des enjeux, c'est que c'est quand même le pape qui a annoncé, invité, ouvert les vannes de l'Église, permis le Concile Vatican II, et l'héritage du Concile Vatican II jusqu'à aujourd'hui, au moment où on se parle en 2018, il est en discussion constante et en tension constante à l'intérieur de l'Église catholique. Ouais. On le voit parce qu'il y a à la fois encore un mouvement plus conservateur et puis un mouvement qui veut davantage ouvrir et être plus en phase avec, que la doctrine soit davantage en phase avec les réalités vécues par les croyants, par le peuple de Dieu. Et donc Jean 23, aujourd'hui encore, reste pour cette curie romaine, son héritage en tout cas, reste un héritage de tension, on peut dire ça comme ça. Tout à fait, on peut dire ça comme ça, et un héritage avec lequel, ils ont de la difficulté à composer et dont ils se seraient bien passés, dans la mesure où, pour plusieurs, c'est également interprété cet héritage-là comme ce qui a causé l'accélération, finalement, de la déperdition des catholiques. Ouais. Catherine Foisy, habituée de l'émission, comme toujours, c'est un bonheur. Merci beaucoup, Catherine. Merci à vous. Catherine Foisy, professeure au département de sciences et des religions de l'Université du Québec à Montréal. Merci également à Marie Caillé à la réalisation de cette émission, à la recherche Caroline Morin et Marie Caillé, recherche d'archives Mario Bolduc, au site Internet Mathieu Arsenault et Christian Côté, à la technique aujourd'hui Alex Leclerc. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Vous pouvez également nous suivre et nous écrire sur Facebook ou encore à l'adresse suivante histoire@radio-canada.ca. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.